de Twingo et un C5, parce qu'Annie c'est VTC. Il bosse avec un haut du plateau qui habite le BDC. Bref, le moteur crie, on s'entend même plus parler. Enfant de 5 aime la Twingo, on dirait presque une Harley. Qui t'a dit que chez nous. Que l'avenir nous promet et que la vie nous tourne.